Alors, il faut badger, hein, je crois. Ah oui, le badge est obligatoire pour pénétrer sur le centre. On n'entre pas comme dans un moulin ici. Et non, pas tout à fait. Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous, bienvenue dans la Marche des Sciences, émission spéciale depuis le centre du CEA de Fontenay-aux-Roses, à l'occasion des 70 ans de cette institution et dans le cadre d'une semaine thématique des émissions scientifiques de France Culture consacrée au nucléaire. Le 18 octobre 1945, il y a 70 ans, naissait le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, naissance officiellement annoncée dans le journal officiel, le 31 octobre. En effet, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, force est de constater que la science a joué un rôle majeur dans l'issue du conflit et qu'elle jouera un rôle nouveau à l'avenir. Et dans cette course à la réaction en chaîne, initiée avant-guerre et qui a vu les Américains remporter la première victoire, la France, soucieuse de son indépendance, entend désormais développer la recherche nucléaire. Le CEA sera son outil et le fort de Châtillon, son premier centre de recherche. Aussi, à l'occasion de l'anniversaire du Commissariat à l'énergie atomique, qui représente l'un des pôles scientifiques les plus importants au monde, nous avons choisi de déambuler dans ce lieu mythique situé à Fontenay-aux-Roses, en banlieue parisienne, et depuis le lancement de la pile Zoé jusqu'à aujourd'hui, de vous faire revivre l'aventure de ce centre et des recherches qui furent initiées et qui y sont aujourd'hui développées. Avec moi pour atteindre cet objectif, Maurice Mazière, ancien directeur du centre de Fontenay-aux-Roses et de celui de Saclay, Francis Netter, physicien au CEA dès 1949, et puis nous retrouverons l'historien Pascal Griset, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne et directeur de l'Institut des sciences de la communication. Il est aussi l'auteur, avec Jean-François Picard, du livre « L'atome et le vivant », paru au Cherche Midi. Et avec lui, nous irons à la rencontre d'Odile Frossard, l'archiviste de ce lieu marqué du sceau du secret, et de la scientifique Sylvie Chevillard au sein de son laboratoire de cancérologie expérimentale, avant de finir la balade avec Claire Giry, l'actuelle directrice du lieu largement dédiée désormais aux sciences du vivant. Une émission émaillée de quelques archives sonores de l'INA, dénichées par Anaïs Morales, comme celle-ci par exemple. Tribune de Paris, c'était le 17 décembre 1948, à propos de la conférence de presse donnée la veille par Frédéric Joliot-Curie sur le développement de l'énergie atomique en France et sur la réalisation de la première pile atomique française. Les efforts d'une petite équipe de savants français, dont certains se trouvent ici devant vous, avaient réussi entre le début de l'année 1939 et juin 1940 de placer notre pays en matière d'énergie atomique au premier rang des autres nations. Mais l'effort français s'est poursuivi au sein même des recherches correspondantes alliées dans le projet anglo-canadien avec une partie de l'équipe française qui avait quitté la France, dont M. Kovarsky, M. Alban, M. Goldschmidt, M. Guéron, M. Auger qui est actuellement secrétaire des sciences naturelles à l'UNESCO. Et peu après la victoire, ces savants sont revenus en France et tout de suite ont repris leur activité au sein du Commissariat à l'énergie atomique qui venait d'être créé. Bonjour Maurice Mazière. Bonjour, bienvenue à Fontenay. Merci, bonjour Francis Netter. Bonjour madame. Alors nous sommes à l'entrée du centre de Fontenay, un lieu qui nécessite, on l'a entendu, des mesures de sécurité. On y remplit des formulaires très précis hein, pour pouvoir y entrer et puis on batte, Maurice Mazière. Tout à fait, oui, tous les centres sont droit aux mêmes règles, effectivement, dès l'origine et ça a perduré, bien entendu, a fortiori avec les événements actuels. Donc il y a des formalités d'accès, bon, qu'on essaye de rendre les plus simples possibles, mais qui nécessitent quand même de décliner son identité et d'utiliser des badges et de savoir exactement où c'est que vous allez dans le centre. Alors Francis Néther, cette façon d'entrer, comme on dit, badgé et en prenant toutes les précautions, c'était déjà le cas quand vous êtes arrivé sur le centre en 1949 ? C'était beaucoup moins rigide, bien sûr, mais je dirais que les précautions actuelles se justifient particulièrement dans un centre comme celui-là, plutôt pour se protéger du terrorisme que pour craindre des évasions de secrets qui ne sont pas des secrets. Alors vous allez tous les deux nous emmener justement dans une balade au CEA, ici à Fontenay-aux-Roses. Maurice Mazière, on vous suit parce que vous avez dirigé le centre il y a quelques années déjà. Très volontiers, oui, de 2000 à 2003, effectivement, j'étais directeur de ce centre, qui est un centre effectivement particulier puisqu'il est situé en ce qu'on appelle en petite couronne de la région parisienne, ce qui est un peu exceptionnel. Les autres centres sont plutôt dans des endroits isolés comme Cadarache ou bien comme les centres des applications militaires. Bon, celui-là, historiquement, il était à l'époque sur le site de Fontenay, qui était relativement une commune isolée, mais qui est devenue une ville complètement enclavée maintenant. Et le centre a réussi quand même à continuer ses activités dans ce contexte. Alors, pour être bien clair, disons-le tout de suite, donnons la précision à Maurice Mazière. Donc, le CEA, c'est d'abord Fontenay-aux-Roses, ensuite Saclay, et puis d'autres lieux qu'on peut citer. Bien sûr, oui. Ben la première implantation, c'est Fontenay-aux-Roses, puisque bon, dès que le CEA a été créé, vous l'avez dit, le 18 octobre 1945, il a fallu trouver un lieu pour accueillir les premières équipes, donc les équipes de Frédéric Joliot-Curie. Bon, et puis, ben le site du fort de Châtillon s'est imposé très rapidement. Bon, il était près de Paris, qui était quand même un peu le centre de l'activité scientifique. Bon, et puis, bon, c'était un ancien bâtiment militaire qui était inoccupé, puisque tous ces forts hein, qui entourent Paris, le fort de Châtillon, le fort de Vanves, le fort d'Issy, le fort de Bicêtre, bon, ils datent de la guerre de 70. Hein. Comme ces forts étaient inoccupés après la Deuxième Guerre mondiale, naturellement, on a proposé aux équipes de Frédéric Joliot-Curie de venir s'installer. Bon, et puis, il a accepté très facilement, et les premières équipes sont venues s'installer ici. Maurice Mazière, donc dites-nous, alors là on progresse depuis l'entrée du CEA vers la Pile Zoé, quel chemin doit-on emprunter ? Alors bon, nous allons aller tout droit là. Il faut savoir que sur le centre, là, les bâtiments actuels sont pratiquement les mêmes que ceux qui ont été construits dans les années 60-65. Il y a, en gros, sur Fontenay, il y a deux générations de bâtiments. Les tout premiers, bien entendu le fort Zoé qui est arrivé très vite en 48. Et puis à partir des années, fin des années 50, début des années 60, bon, tous ces bâtiments devenant obsolètes, il y a eu l'idée de développer le centre et c'est là qu'on a construit tous les grands bâtiments qui sont aujourd'hui toujours là, alors qui ont été reconvertis. Mais en gros, la géographie générale du centre, elle existait déjà dans les années 60. Alors typiquement ici, on a à côté de nous là, ce qu'on appelle la ligne des halls. C'était de grands halls qui étaient juxtaposés les uns à côté des autres. Alors en ligne, c'est tout droit, donc c'était très facile. Et l'idée, c'était de disposer d'espaces suffisamment volumineux pour y installer des expériences. Hein. Donc c'est un bel exemple de reconversion des installations du centre. Donc là, on voit plutôt des bâtiments assez sobres, hein, des cubes, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'architecture particulière sur le site, si ce n'est que là, on aperçoit sur notre gauche devant nous ce bâtiment qui, lui, est atypique. C'est là. C'est un bâtiment en briques rouges. Quand on regarde, on a tout un tas de briques différentes. Ben pour une raison très simple, c'est que quand les équipes de Frédéric Joliot-Curie, après la guerre, donc, ont voulu construire quelque chose, ils ont découvert, mais c'était évident, que la France sortait de la guerre, qu'elle avait une industrie qui était délabrée, qui était complètement arrêtée. Et pour construire Zoé, ils ont été obligés d'aller, j'ose pas dire quémander, parce qu'il y a eu vraiment un enthousiasme de toute la population autour de la construction de Zoé, mais ils ont été obligés d'aller chercher effectivement des fournitures, que ce soit du métal, que ce soit les briques, qui en sont une illustration, dans différents endroits. Et ils ont construit Zoé, bon, j'ose pas dire de briques et de broc, parce que ce serait péjoratif, mais au moins en allant chercher effectivement du matériel un peu partout pour pouvoir construire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'industrie qui était capable de fournir. Et puis en plus, quand on disait « je veux construire un réacteur nucléaire », à l'époque, bon, les gens disaient « mais qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit ?» et compagnie. Donc il a fallu beaucoup de motivation des équipes pour arriver à leur but, mais ils y sont arrivés, puisque ils ont démarré fin 46 et Zoé a divergé fin 48. Quand on voit les délais qu'on met maintenant pour construire un réacteur, qui n'a rien à voir, mais c'est vraiment exceptionnel d'avoir réalisé ce premier prototype en un temps aussi court. Alors Francis Néther, ça y est, ce bâtiment-là, vous le reconnaissez ? Bien sûr, bien sûr. J'y ai même travaillé pendant pas mal de temps. En fait, jusqu'au moment en 52 où j'ai quitté avec Kowarski le fort de Châtillon pour le démarrage de Saclay et le démarrage de la première pile plus importante à Saclay en automne 52. Je rappelle que dans les casemates du fort, on a logé toutes sortes d'activités, un labo qu'on appelait électrique, parce que le mot électronique à l'époque n'était pas pratiqué, des ateliers de mécanique, tout cela était dans des casemates, et aussi le démarrage du service de physique nucléaire que Joliot a confié à André Berthelot, qui l'a fait venir et qui a dirigé cette physique nucléaire à Fontenay, puis à Saclay. Et donc, j'ai vécu la vie de Zoé, y compris ses fantaisies. La fantaisie que je trouve la plus savoureuse, c'est une panne qu'on ne s'expliquait pas jusqu'au moment où on trouve une souris électrocutée qui avait mangé un câble électrique. Il faut maintenant se concentrer justement sur ces hommes qui sont à l'origine de la pile Zoé. Donc Frédéric Joliot, donc Joliot Curie, parce qu'il prend le nom de Curie, en plus après d'Irène Curie, après la Seconde Guerre mondiale. Donc Frédéric Joliot Curie, Lev Kowarski. Lev Kowarski, comme Hans Alban, étaient deux physiciens qui étaient repliés d'Allemagne en France dans la fin des années 30, qui ont été les adjoints de Joliot dans les recherches qui ont eu lieu en 38-39 et qui ont abouti à la découverte de la fission nucléaire et à l'étude des possibilités d'une réaction en chaîne, laquelle a été concrétisée sous la forme de brevets que les États-Unis ont reconnu valable après la Seconde Guerre mondiale. Kowarski, Alban, ont été expédiés par Joliot en 40, au moment de l'invasion allemande. Après une transition en Grande-Bretagne, Kowarski a travaillé essentiellement au Canada. Et il a démarré au Canada une pile assez semblable à celle de Zoé. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Kowarski est revenu ici pour, dans le cas de Zoé, recommencer ce qu'il avait fait au Canada. Ce qui nous mettait quand même dans une situation assez avantageuse pour éviter bien des tâtonnements et des incertitudes. Ils ont beaucoup travaillé au Canada, ce qui fait que quand ils sont arrivés, j'allais dire, Zoé était presque dans les cartons, bon, c'est un peu caricatural, mais ils avaient déjà beaucoup réfléchi à la façon de concevoir le réacteur. Alors, Maurice Mazière, nous sommes face à l'entrée du bâtiment qui abrite la pile Zoé. Il y a d'ailleurs marqué « Espace Zoé », le drapeau français et les initiales de la République française à côté. Et puis cette porte, entrée des visiteurs, avec le numéro 76A au-dessus. Je ne sais pas ce que ça symbolise, vous allez nous le dire. Alors, les numérotations, c'est une maladie du CEA. Le CEA, c'est quand même un monde d'ingénieurs, et donc il a fallu que tout soit bien rangé. Donc tous les bâtiments ont un numéro. Bon, c'est pas toujours d'ailleurs très rationnel, la numérotation. Bon. Alors, ce lieu, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de se trouver face à un monument historique, hein, j'ai envie de dire. Mais on peut parler de cette façon-là par rapport à cette pile Zoé. Oui, elle est, en fait, architecturalement, on le voit, c'est très simple. Hein, c'est un cube de béton dont on voit encore les armatures métalliques. Alors, en fait, si on part de l'intérieur vers l'extérieur, bon, un réacteur, c'est un peu quelque chose de simple. Hein, c'est une cuve dans laquelle on met des barreaux de combustible qui sont verticalement, en général, ils sont tenus par une plaque qui sert un petit peu de couvercle. Et puis, on met dans cette eau lourde, enfin autour, pardon, de ce combustible, on met de l'eau lourde qui va faciliter la propagation des neutrons et qui va permettre d'entretenir. Uranium, ensuite, eau lourde. Uranium dans des tubes d'aluminium qui sont dans une cocotte minute de lourde. Bon, ensuite. On a un petit problème de physique très simple à régler, c'est que les neutrons qui sont émis par la réaction nucléaire sont des neutrons rapides, des neutrons qui ont beaucoup d'énergie. Or, les neutrons qui ont beaucoup d'énergie, c'est pas cela qui intéresse la physique, c'est pas cela qui intéresse les chercheurs. Ce qui intéresse, c'est les neutrons lents, les neutrons qui ont moins d'énergie. Donc, il faut les ralentir sans les arrêter. Et donc, un des modérateurs les plus utilisés, à l'époque c'était connu, c'est le graphite. Donc autour de cette cuve, on a tout un enrobage de graphite. Et ensuite, pour assurer la protection, à la fois la tenue de cet ensemble d'un point de vue purement mécanique, et puis pour assurer aussi la protection contre les rayonnements, puisque indépendamment des neutrons, il y a d'autres rayonnements, donc on a construit une enceinte en béton. Ce qui inquiétait le plus en termes de sûreté au départ les gens qui ont construit ce réacteur, c'était déjà les problèmes de séisme. C'est qu'il y ait des risques effectivement de mouvement de terrain et qu'il y ait une déformation importante. Francis Netter. Le béton, il en faut des épaisseurs en fonction de la puissance de l'engin. Ce qui fait que quand en 1953, cette pile a été portée à une puissance de 150 kW, on a dû rajouter des blocs de béton pour assurer une protection suffisante. Alors pour être complet historiquement, il faut quand même préciser que bien sûr cette décision de doter la France d'un centre à la pointe du nucléaire, c'est De Gaulle qui la prend, dans le but d'assurer des recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense nationale, donc avec ses différents objectifs en tout cas. 70 ans de recherche et de secret aussi nécessaire, parce que à cette époque, on est aussi en pleine suspicion vis-à-vis du bloc soviétique, d'où certainement cette image aussi du CEA, l'antre du secret, hein, Maurice Mazière. Même si l'ordonnance du 18 octobre 45, donc qui fonde le CEA, précise bien, comme vous l'avez dit, les trois missions, la science, l'industrie et puis le militaire. Bon, le militaire était quand même très prégnant à l'époque, et il y avait l'idée quand même, parce qu'il y avait une compétition internationale entre les États-Unis, essentiellement la Russie et la France, qui voulaient rentrer dans le cercle des grands autour des matériaux nucléaires et effectivement de pouvoir disposer de l'arme nucléaire. D'ailleurs, il ne faut pas se voiler la face non plus, c'est grâce à Zoé qu'on a sorti en France les premiers milligrammes de plutonium. Bon, il y avait encore une fois, bon, il y avait un aspect scientifique qui était très important, mais il y avait l'idée derrière que on pourrait utiliser à terme ce plutonium pour des visées. Et de là a découlé un certain nombre de règles qui ont été instaurées au CEA pour la protection du secret, parce qu'on était dans des domaines militaires. Bon, en Russie, on ne savait pas trop où ils en étaient. Autant les États-Unis, on savait, il y avait eu la pile d'Enrico Fermi en 1942, on savait comment ils avançaient, puis on avait des contacts avec les Américains. Autant en Russie, on ne savait pas du tout où ils en étaient. Et sans dire qu'on était déjà en période de guerre froide, il y avait quand même, enfin, la période derrière la guerre, c'était déjà une période où États-Unis et Russie se regardaient déjà beaucoup en chien de faïence. En tout cas, cette pile Zoé a créé bien des événements, hein, Maurice Mazière, Francis Netter, et puis bien des visites aussi officielles, présidentielles, hein, comme celle de Vincent Auriol le 21 décembre 1948, accompagné de nombreux journalistes, dont Georges Join, pour la radiodiffusion française. Une expérience saisissante va se dérouler maintenant. Au bout d'une perche en bois, tel un boulanger portant le pain dans un four, un ingénieur revêtu d'une blouse blanche enfonce une perche dans un orifice pratiqué à travers le ciment. Cette perche, monsieur le professeur Joliot-Curie, s'il vous plaît, à quoi sert-elle? Que contient-elle? Une perche qui contient dans un tube une lame d'argent, primitivement inactive, qui va être soumise au flux de neutrons. Après quelques secondes, elle va devenir radioactive, c'est-à-dire le siège d'une émission d'électrons, que nous mesurerons avec l'appareil qui est devant vous. Et voici qu'on sort maintenant la plaque d'argent devant monsieur Vincent Auriol et on va la mesurer. J'espère pouvoir vous faire entendre le bruit de l'émission de cet argent rendu radioactif. En ce moment, on est en train d'approcher la perche. L'ingénieur vêtu d'une blouse blanche ressort une plaque d'argent qui ressemble exactement à du papier d'argent pour envelopper le chocolat. Et écoutez. Et dès que l'ingénieur retire la plaque d'argent, vous avez entendu que le bruit cessait. C'est-à-dire que l'émission de neutrons disparaît minutes par l'éloignement. Je vois justement Pascal Grisé arriver jusqu'à nous, nous rejoindre dans ce lieu où il y a la pile Zoé. Bonjour Pascal Grisé. Bonjour Aurélie. Merci de nous rejoindre dans cette balade justement au CEA sur les traces de l'histoire de la première pile atomique française et en même temps une balade aussi qui va nous montrer combien le centre de Fontenay-aux-Roses est devenu l'antre des sciences du vivant. Oui, la pile Zoé est un changement essentiellement du point de vue des sciences du vivant parce que en produisant des radioéléments, elle crée une opportunité. Et en produisant des rayonnements, elle crée aussi la nécessité de s'en protéger, de les étudier par rapport aux organismes vivants, qu'ils soient végétaux, animaux ou bien sûr humains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès 1935, Joliot avait dans l'idée que de toute façon, en dehors du nucléaire pour la production d'énergie, deux disciplines tireraient parti de la radioactivité, c'est-à-dire la biologie et la médecine. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on oublie toujours que la radioactivité a eu pour premier champ d'utilisation la médecine, la santé. C'est par l'imagerie qu'on utilise tout d'abord les radioéléments et on se rappelle Marie Curie dès 1914 qui, sur le front, va apporter des moyens d'imagerie médicale, des rayons X, hein, relativement simples à cette époque. Donc pendant plusieurs décennies, l'atome, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas la bombe, c'est voir le corps humain, l'explorer et parfois même le soigner, puisqu'il y a la curithérapie, on utilise les radioéléments pour soigner, voire même avec certains excès, puisqu'on produit des pommades à base de matériaux radioactifs pour traiter la peau de manière tout à fait anarchique. Donc la biologie est vraiment l'une des disciplines fondatrices du CEA, on peut le dire ? On peut le dire, même si en termes de visibilité, la biologie est relativement discrète dans les années 1950-1960. Elle est très présente, elle est importante, ne serait-ce que pour contrôler certaines choses, que pour tirer également, je dirais, profit des radioéléments qui sont produits. Donc elle est fondatrice du CEA. Tout d'abord relativement discrètement, puis à mesure que les initiatives seront prises de manière de plus en plus présente, visible et structurée au sein du CEA. Alors sur le nom de la pile Zoé, Maurice Mazière, vous avez peut-être la réponse. Oui, hein. Oui, la Zoé, alors ça, bon, je ne sais pas qui a choisi, en tout cas Zoé, c'est à l'origine Z pour zéro. Zéro, c'était la puissance. O, c'était pour oxyde d'uranium. Et eux pour Lourdes. Et en même temps, le nom de Zoé, on le doit à Lev Kovarsky. Hein. Je crois que lui disait, vous allez me dire, Francis Netter, que s'il avait été une fille, sa mère l'aurait appelée Zoé, mais qu'en tout cas, Zoé signifiait aussi la vie. Oui, oui, c'est Kovarsky qui a trouvé le nom. Mais il y a une chose qui n'a pas été évoquée actuellement, c'est que le démarrage de Zoé en décembre 1948 a été précédé de quelques semaines par un événement qui, pour l'avenir de la politique nucléaire française, a eu autant d'importance. C'est la découverte à La Crouzille, dans le Massif central, d'un gisement de riches minerais d'uranium qui allait assurer la sécurité d'approvisionnement de nos programmes. Dans l'opinion publique, finalement, de cette époque, Maurice Mazière, le CEA, c'est avant tout quand même le nucléaire civil et militaire. Et d'ailleurs, les années 60 vont être marquées notamment par ces essais nucléaires, la bombe atomique voulue par De Gaulle, revenue en juin 1958. Et donc le 13 février 1960, c'est Gerboise Bleue à 7h04 du matin à Reggane, dans le désert du sud algérien, avec des documents sonores d'ailleurs parfois étonnants. Un immense champignon atomique s'élève maintenant dans le ciel par-dessus les baraques. Il y a maintenant une minute que l'explosion a eu lieu. Le champignon est déjà haut dans le ciel, le sommet est blanchâtre, le bas est mauve. Et dans le jour qui se lève, c'est absolument impressionnant. En une minute, sous ce climat subtropical, en une minute, le jour s'est presque fait et l'explosion y a contribué également, puisqu'actuellement, la lueur n'a pas fini au sol. Le champignon se développe maintenant. Il s'élargit au sommet. La base se tourne légèrement vers l'est. On dirait de la neige au sommet, hein? Toujours tout mauve, mauve, mauve, et sauf le sommet blanchâtre, comme une neige qui viendrait de tomber. Eh bien, il a fallu ce temps-là à l'onde de choc pour parvenir ici. Alors, la lune ne fait pas à côté de ça, hein. Le champignon continue à se développer lentement dans le ciel. Il s'élargit sans cesse. C'est extraordinaire parce qu'il a une certaine immobilité. L'impression est merveilleuse. Oui, je crois que toutes les images poétiques sont valables maintenant. On peut dire qu'on est conscient des dangers, bien sûr, pour les hommes à l'époque, hein, parce qu'il y a création d'un service de biologie en novembre 1946 et une surveillance médicale des personnels travaillant sur les gisements, donc ici à Fontenay. Et en 1951, création du service de protection contre les radiations, le SPR, confié au docteur Henri Jamet, hein, Pascal Griset. Oui, la protection contre les rayonnements concerne, je dirais, globalement la population et plus spécifiquement les personnels du CEA. Et on voit à travers les documents dont on dispose les campagnes de sensibilisation qui sont faites auprès du personnel pour les informer, pour les inciter à porter les instruments qui vont permettre d'enregistrer les rayonnements qu'ils reçoivent, avec, on le constate dans les archives, parfois une certaine réticence dans les pratiques du quotidien, au travail, à se protéger de tout cela. Donc il y a un gros effort pédagogique à faire par rapport à une menace et par rapport à des problèmes de santé qui sont absolument, par définition, invisibles. Mmh. Francis Netter, alors vous étiez protégé comment, vous, à l'époque ? On portait un film qui était développé périodiquement. Bon, ce que je voudrais dire quand même, quand on parle du personnel du CEA, il ne se réduisait pas au personnel du fort de Châtillon, car il y avait une forte équipe qu'on a forgée à l'aide des professeurs du muséum qui étaient Orcel et Barabé, de prospecteurs qui s'en allaient un peu partout chercher l'uranium. C'était une partie du personnel du CEA, et qui était d'ailleurs dans les mines en question, éventuellement exposée aussi à des risques radioactifs. Maintenant, tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'introduction du programme militaire, je crois qu'il faut comprendre que le personnel ici y était largement opposé, mais que au niveau gouvernemental, c'est dès 1953 que le ministre de l'époque, Félix Gaillard, a prévu que, à Marcoule, les grands réacteurs dont le fonctionnement assurait une production de plutonium ne seraient pas réduits à G1 et G2, mais que G2 serait doublé d'un G3 identique. Et la décision de faire deux réacteurs identiques, ce qui n'allait rien nous apprendre sur le plan de la recherche, c'est à cette date qu'on peut considérer que la France s'est engagée dans la préparation d'une bombe. Alors concrètement, justement, qu'a-t-on fait des déchets qui étaient utilisés pour la pile Zoé et Maurice Mazière ? Au début, effectivement, comme il n'y avait pas toutes les infrastructures qui existent aujourd'hui en matière de capacité de stockage, bon, l'ANDRA, bien entendu, l'Agence nationale des déchets radioactifs, n'existait pas. Donc tout a été géré sur place, sur les centres du CEA en général, en consacrant des zones particulières pour ces déchets. Enfouis, du coup, ou alors parfois enfouis, oui, parfois enfouis, mais alors avec quand même un souci qui nous a été bien utile, puisque ils ont eu quand même le souci de garder une assez bonne traçabilité de ce qu'ils faisaient. On savait qu'il y avait des choses dans les douves à certains endroits. Et ensuite, on a fait des recherches plus précises et ça a permis de localiser effectivement les zones dans lesquelles il y avait des déchets et donc de pouvoir les reprendre, les retraiter et puis du coup les mettre maintenant dans des filières qui sont les filières classiques de traitement de déchets. Pascal Griset. On a fait à ce propos une véritable histoire orale puisqu'on a fait revenir des retraités pour leur demander de témoigner, leur demander comment ça se passait et de retrouver certaines choses qui avaient été quand même malgré tout un petit peu oubliées de l'ordre d'une un peu secondaire peut-être, mais qui était quand même importante. Francis Netter, vous le savez, vous, où ils sont ces déchets? Il en reste encore, parce qu'on ne l'a pas précisé, Maurice Mazière, mais c'est vrai que c'est en cours hein, aussi de démantèlement, d'assainissement. Ça prend du temps, ça coûte très cher, et on espère à l'orée de 2034, apparemment, nous dit-on, mais effectivement, ça prend du temps. Le tout, c'est de le faire et pour la sécurité de tous, Francis Netter. Du temps où j'étais au fort de Châtillon, nous ne produisions pas beaucoup de déchets. On stockait. On les stockait sur place. Bon, effectivement, en se disant, on les traitera, il y aura sûrement une solution plus tard. Il faut voir que le centre a subi aussi beaucoup de bouleversements topographiques hein, et de nouvelles constructions. Et que quand il y a eu les nouvelles constructions, on ne s'est pas forcément posé la question, est-ce qu'il y a des choses en sous-sol et compagnie. Et aujourd'hui, quand on détruit un bâtiment ou quand on veut faire des travaux comme Myrcène, la première chose qu'on fait, c'est de faire des sondages pour s'assurer qu'effectivement, dans les sous-sols, il n'y ait rien du tout. Et s'il y avait des choses, ça nous est arrivé, on arrête le chantier et on dit, attendez, on va commencer par nettoyer ce qu'il y a historiquement, ce qui reste. Et puis ensuite, on repartira, je dirais, sur une situation saine. Et donc c'est toutes ces questions de sécurité plus que jamais aujourd'hui, à la fois pour ceux qui travaillent sur le site, mais aussi pour les personnes qui vivent autour, hein, parce qu'on est quand même dans une zone d'habitation. Ce que vous nous dites, Maurice Mazière, c'est qu'aujourd'hui on peut déambuler sereinement partout à Fontenay. Hein. Oui, sur le centre, il n'y a pas de souci, effectivement, pour déambuler, il n'y a aucun souci. Bon, après, quand on rentre dans certains bâtiments, il y a des moyens de protection particuliers et certains locaux sont inaccessibles. Mais sur le centre lui-même, aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, on va pouvoir poursuivre notre balade, justement, et en toute sécurité, bien sûr. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Pascal Griset, donc le centre de Fontenay est un lieu de pluridisciplinarité, hein, physicien, chimiste, biologiste se côtoient et a évolué assez rapidement vers les sciences du vivant avec une direction des sciences du vivant depuis les années 90. Depuis 1990 en effet, les sciences du vivant, la biologie s'était développée depuis la fondation du CEA au sein de l'institution sous différentes formes avec des liens qui se sont développés avec certains hôpitaux. Il y a eu des choses à Grenoble, à Cadarache, à Fontenay, à Saclay. Et en 1990, il a été décidé de créer une direction des sciences du vivant qui reprend cet ensemble un tout petit peu dispersé qui avait été rattaché à différentes structures pour rendre ces sciences du vivant plus visibles et permettre un développement plus important. C'est une époque où le CEA est soumis à certaines critiques, une remise en cause du programme nucléaire militaire. Il est important pour le CEA de montrer que effectivement, il travaille dans des dimensions différentes et qu'il est capable de développer des recherches sur des terrains où on ne l'attend pas forcément. Petite précision avant de quitter ce lieu, à quoi a servi la pile Zoé ? Zoé, c'est quand même le démarrage effectivement du programme nucléaire. Il y a eu aussi derrière tout l'enchaînement, donc EL2, EL3 pour la recherche, Francis Netter pourra en parler, mais très vite il y a eu G1, G2, G3 à Marcoule, et G1, G2 ça a été quand même les premiers réacteurs électronucléaires français qui ont produit de l'électricité, donc c'est vraiment l'origine de toute la filière électronucléaire qui ensuite s'est diversifiée avec les réacteurs à graphite gaz, les réacteurs à eau, les réacteurs rapides aussi pour lesquels la France est restée et est toujours en pointe. Francis Netter ? Je crois qu'il faudrait mettre en premier un des objectifs qui était Zoé, c'est de former du personnel. On a pu continuer le programme en ayant appris à des gens à conduire un réacteur. Le deuxième point qui est évident, c'est que des Zoé, on s'en est servi pour obtenir des échantillons de produits radioactifs servant à la médecine ou à la recherche. Alors messieurs, on poursuit notre balade. Sortir du lieu. Les premiers labos dont on parlait hein, tout à l'heure, Maurice Mazière, donc ont été installés sous la voûte du fort de Châtillon. Alors, c'est où concrètement là ? Les voûtes. Les voûtes. Ben, c'était voilà. Des petites casemates. C'était pas une voûte. Le fort, c'est vraiment conçu comme un bâtiment militaire, j'allais dire au sens vauban du terme. C'est-à-dire qu'il y avait une partie émergente qui était visible, mais très peu d'ailleurs d'extérieur. Il y avait surtout une partie enterrée. Voilà la façade ici, la seule façade qui a été conservée avec les dates d'ailleurs 1874-1876. Donc effectivement, c'est juste après la guerre de 70. Cette structure avec, on le verra dans la partie basse, donc assez systématiquement des parties voûtées dans lesquelles effectivement étaient installés les premiers laboratoires. Tout ça est conservé précieusement. Nous avons la chance, donc le service des archives du CEA, il peut conserver en propre les archives du CEA, sous réserve effectivement de pouvoir les mettre à disposition du public. On peut s'y rendre ? Tout à fait. Alors, bonjour Odile Froussard. Bonjour. Vous êtes la responsable du centre des archives et on a bien compris que sur le centre du CEA à Fontenay, chaque bâtiment avait un numéro l'identifiant. Tout à fait. Ici, vous êtes sur le bâtiment 11. Oui. Et donc, le bâtiment 11 qui recèle tous les secrets, on peut dire, du CEA. Ah, peut-être pas tous, il en reste encore, mais bon, c'est pas vraiment des secrets. Il y a des choses qui sont directement communicables et d'autres que l'on gère en fonction des délais de communicabilité qui existent au titre des archives publiques. Mais ici, vous avez les archives historiques, on dit définitives même, du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives maintenant. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes justement ? Parce que bon, là, aujourd'hui, nous sommes présents, il y a personne dans la salle, ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'y a pas de chercheurs qui osent affronter le CEA, vous avez mieux le dire, Odile Froussard, mais en moyenne, vous avez beaucoup de demandes ? En fait, les demandes sont majoritairement des demandes en interne, parce que reste un fonds qui est particulièrement vivant. En ce qui concerne les demandes, il y a des demandes qui sont d'ordre historique, hein, du type quand tel bâtiment a été conçu, d'une part, mais il y a beaucoup de demandes de type iconographique, parce qu'il y a beaucoup de fonds iconographiques, donc c'est souvent des ressources qui sont utilisées en interne. Et en ce qui concerne les travaux d'historiens, eh bien, en gros, on peut en moyenne dire qu'il y a 3 à 4 nouvelles demandes de recherche universitaire, du type Master 2, on dirait aujourd'hui, ou thèse par an. Après, les sujets sont des sujets souvent du type histoire de l'institution, comment le CEA a été créé, ses différents instituts. Mais l'histoire vraiment pure, scientifique et technique, un peu à la mode de ce que l'on pourrait trouver en Angleterre, par exemple, au Royaume-Uni ou en Allemagne, c'est pas des sujets qu'on a très souvent. Et vous savez pourquoi ? Est-ce qu'il y a cette image qui perdure de le CEA, justement, garde ses archives, l'antre du secret, et qu'on imagine peut-être une difficulté d'accès aux documents ? Pas nécessairement. Après, dans le domaine technique, on se tourne plus vers l'industrie, plus que vers le CEA, qui est un grand établissement de recherche. Pascal Griset, vous, quel sujet vous rêveriez de voir arriver, justement, dans vos bureaux, proposé par un étudiant, et qu'il ait toute latitude pour venir travailler ici ? Il faut souligner que l'évolution de la législation française sur les archives n'est pas favorable pour qui veut travailler sur le nucléaire, puisque cette question a été clairement identifiée comme relevant de procédures spécifiques et rendant l'accès aux archives plus difficile que pour bien d'autres domaines. Je pense qu'effectivement, beaucoup ont peur. Après, en ce qui concerne le nucléaire, on se rencontre régulièrement lorsque les étudiants viennent, souvent. Ils ont une très vague idée, et voire même, de temps en temps, les professeurs qui les soutiennent, des corpus documentaires, des corpus d'archives qui leur permettraient de répondre. Très souvent, on mélange le CEA et EDF. Très souvent, on mélange le CEA et on nous demande des choses qui concerneraient Becquerel, Pierre et Marie Curie. Le CEA n'a été créé qu'en 1945. Il y a très souvent des difficultés d'appréhender ce que fait le CEA. CEA, à quoi il sert et quel est son périmètre. Alors, en ce qui concerne plus particulièrement le domaine du nucléaire et la loi sur les archives qui aujourd'hui est passée dans le Code du patrimoine déjà depuis quelques années, les délais de confidentialité de ces documents nous amènent à avoir un délai de 25 ans qui concernerait plus particulièrement certaines relations avec l'international, mais comme on l'a avec le quai. Et par contre, en ce qui concerne des documents qui pourraient être liés à la sécurité de nos citoyens, là, on frôle plutôt les 50 ans. Et autrement, il y a de la possibilité de communication. Donc c'est ce à quoi vous faisiez référence, hein, Pascal Griset, quand vous disiez il y a des conditions spécifiques. Et ce n'était pas forcément les règles de 25-50 ans, c'était peut-être autre chose. Oui, et puis bon, si vous voulez, quand on travaille en histoire contemporaine, on a accès à la possibilité de demander des dérogations aux organismes versants. Et sur ces questions, les dérogations sont systématiquement refusées. Donc, bon, il peut y avoir des raisons pour qu'il explique, mais c'est vrai que ça rend ce type de sujet plus difficile. Par ailleurs, sur les corpus eux-mêmes, la nécessité de disposer d'un inventaire est quelque chose d'important pour l'historien, et je crois qu'il y aurait quelques investissements à faire dans ce domaine du côté du CEA. Les inventaires d'archives sont, disons, on va dire difficiles, oui. Et je crois que ce serait bien que la direction du CEA donne les moyens nécessaires au service des archives pour faire ce travail, parce que c'est un travail qui rend de la sorte les archives plus visibles et le travail sur l'institution plus facile. Ça attire des talents et ça attire des jeunes chercheurs. Ça serait donc une bonne chose. Francis Netter, je sais que vous allez nous quitter à ce stade de la balade. Là, vous êtes au cœur des archives. Est-ce que vous, il y a un document que vous aimeriez un jour, peut-être, que Odile Frossard vous sorte des cartons ? Non, ce que je voulais surtout dire et qui a été dit tout à l'heure, c'est que dans les années 80 et au-delà, les archives n'ont pas été prises en compte comme il aurait fallu. Je sais que j'avais, moi, dans mon service, tous les documents concernant notre activité à l'accélérateur linéaire à électrons. Je suis parti en laissant ce corpus aux mains de mes successeurs. Mais ce que j'ai su, c'est que les successeurs, à la fin, n'ont pas alimenté les archives, mais la poubelle. C'est effectivement une des difficultés, c'est-à-dire qu'une partie des chercheurs sont dans l'immédiateté ou, pour certains, visent la publication et ne sont pas toujours très sensibilisés au corpus qui les a amenés à un moment donné à publier. Aujourd'hui, les archives définitives du CEA, c'est 5 km de documents et on espère prochainement une extension pour pouvoir accueillir des documents qui viennent de la totalité des autres centres. Et les vidéos, et les photos, et les affiches, et tout ça. Merci de votre accueil. Merci beaucoup à vous. Et puis on continue, puisque nous allons maintenant nous rendre dans un laboratoire, justement. Alors Maurice Mazière, maintenant, direction un laboratoire à la pointe des recherches pour demain, le laboratoire de cancérologie expérimentale. Voilà, tout à fait. Là, donc, nous allons vers le laboratoire de Sylvie Chevillard, qui est particulièrement spécialisée dans ce domaine et qui a beaucoup travaillé, effectivement, sur l'identification des différents types de cancers radio-induits, comme on dit, c'est-à-dire induits par la radioactivité. C'est l'antre du chercheur, Sylvie Chevillard. Voilà, donc là, c'est typiquement notre laboratoire dans lequel toute l'équipe travaille sur les effets des radiations, les effets précoces, les effets tardifs, les effets bénéfiques pour tuer les cellules tumorales et évidemment les effets néfastes quand il s'agit des cellules saines. Mais voilà, donc c'est notre milieu, notre univers. Donc le laboratoire de cancérologie expérimentale, LCE, qui existe depuis combien de temps ? Alors, il existe depuis très longtemps, 30 à 35 ans, et moi j'ai rejoint le CEA il y a une vingtaine d'années pour apporter dans ce nouveau laboratoire et dans cette discipline des nouvelles techniques et notamment la biologie moléculaire, l'analyse des gènes. Parce que vous êtes biologiste de formation. Oui, biologiste de formation, biologiste avec une spécialité cancer. D'accord. Et avant, vous étiez où alors ? Avant, j'étais à l'Institut Curie. Et donc, je travaillais sur la chimiosensibilité et radiosensibilité des tumeurs du sein. Alors, est-ce qu'on peut faire d'abord un petit tour de votre labo concrètement, déjà dans l'entrée? Alors, dans l'entrée, il y a des congélateurs. C'est ça. Donc, ça fait un peu de bruit, ils sont à part du laboratoire. Donc, c'est là que nous conservons tous nos échantillons. Je vous montre. Selon les échantillons, ils sont stockés dans des gros congélateurs à moins 80 degrés, ou bien dans l'azote liquide. Et là, c'est du matériel très précieux, les tumeurs, les lignées cellulaires, qui peuvent être gardées. Donc, c'est moins 170 degrés et ça peut être gardé très, très longtemps. Combien de personnes travaillent dans ce laboratoire avec vous? Parce que vous êtes la responsable du LCE. Oui, alors nous sommes une vingtaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens, avec également des thésards et des post-docs. Et nous avons finalement trois grandes thématiques. Les effets des radiations, court terme, effets immédiats, instabilité du génome, à long terme, les cancers radio-induits, comment, pourquoi, est-ce qu'on peut les repérer. Et puis, donc ce qu'on appelle radio-induit, c'est-à-dire? C'est vraiment qu'à l'origine, la transformation maligne s'est faite à cause des rayonnements. D'accord. Et puis, une troisième activité qui est une activité strictement technologique, qui est là pour développer tous les outils dont nous avons besoin pour ces recherches. Et donc, aujourd'hui, vous travaillez sur des recherches en pointe, bien sûr, au CEA, et notamment cette radiosensibilisation de tumeurs résistantes par nanoparticules. Alors, les nanoparticules, déjà, ce sont des tout, tout petits objets. Alors, nano, c'est 10-9 mètres, mais ça ne parle pas beaucoup. Donc, c'est un milliardième de mètre. Pour avoir une image, si vous prenez l'épaisseur d'un cheveu, on empilerait soit 1000, soit 100 000 nanoparticules pour avoir l'épaisseur du cheveu. Alors, parce que ces nanoparticules sont toutes petites, elles ont des propriétés nouvelles, formidables, prometteuses, et notamment pour les applications médicales. Et donc, la radiothérapie, le plus souvent, soigne bien les tumeurs, mais hélas, il y a quelques cas où on a des résistances, il y a des échecs. Et donc, avec des collègues physiciens du CEA, on a travaillé ces nano-objets, et donc là, on a pris des nanoparticules de diamant. L'avantage, c'est que le diamant, c'est du carbone. On a vérifié qu'elles étaient complètement inoffensives. Et nos collègues physiciens ont modifié leur surface de manière à ce que, quand on donne ces nanoparticules hydrogénées avec la radiothérapie, on augmente l'effet négatif des rayonnements et on tue plus les cellules tumorales. Sans toucher aux cellules saines à proximité? Moins, en tout cas. En touchant peu les cellules saines à proximité, d'autant plus que maintenant, en radiothérapie, les faisceaux ciblent vraiment très très bien les tumeurs et épargnent le tissu sain. Donc ce sont des particules qui sont très prometteuses. On a travaillé pour le moment sur des lignées de cellules humaines, des cellules tumorales humaines extrêmement résistantes. Et grâce à cette co-exposition, irradiation et nanoparticules, on a réussi à toutes les tuer. Voilà. Donc c'est très prometteur, d'autant que ces nanoparticules, à terme, on va pouvoir les rendre intelligentes. D'une part, on va pouvoir les cibler dans les cellules tumorales, et donc on va minimiser la toxicité générale. Et d'autre part, on va pouvoir greffer à leur surface des poisons pour la cellule en venant inhiber la fonction ou les fonctions de certains gènes qui sont essentiels pour tuer les cellules tumorales. Donc on va pouvoir les attaquer dans tous les sens, et par les rayonnements et par ce qu'on appelle de la thérapie moléculaire. Et donc par cette thérapie moléculaire, Sylvie Chevillard, est-ce qu'à terme on pourra espérer se passer de chimiothérapie, de radiothérapie et n'utiliser que les nanoparticules? Alors, il y a des recherches qui sont faites sur des nanoparticules qui véhiculeraient la chimiothérapie. Et ça, c'est un gros avantage parce que une des limites de la chimiothérapie, c'est sa toxicité. On l'injecte par voie intraveineuse et il y a une toxicité, notamment une toxicité cardiaque. Et donc, nous travaillons aussi avec des collègues de l'Institut Lavoisier sur la mise au point de nanoparticules qui sont des cages et qui ont des capacités d'encapsulation de chimiothérapie énorme. Et donc là, pareil, on peut envisager dans l'avenir des nanoparticules qui délivreraient spécifiquement dans la tumeur la chimiothérapie. On pourrait donner de plus fortes doses puisqu'on limiterait la toxicité générale parce qu'elles sont encapsulées au moment où elles passent dans le sang. Et donc dans votre métier, il faut aussi des qualités, savoir observer et interpréter, hein, surtout. Oui, il faut, évidemment, il faut avoir de bonnes hypothèses à tester, de l'intuition. Et puis, parfois, face à des résultats, finalement, mais on a des choses qui sont un peu en marge de ce qui était prévu. Et je dirais que notre travail, qui est un travail, évidemment, au démarrage, assez seul, mais face à des points d'interrogation, on a des réunions de labo et c'est une réflexion collective pour essayer d'interpréter les résultats au mieux, comprendre pourquoi ils dévient un peu de nos hypothèses et du reste, ça découle sur de nouvelles hypothèses à tester. Donc notre travail, c'est en permanence expérimenter, poser une question, expérimenter, interpréter, reposer une question et c'est comme ça qu'on avance progressivement dans la connaissance. Bon, mais il y a un côté qui est moins bon actuellement, c'est qu'on n'a plus d'argent et que je passe, moi, mon temps en tant que responsable de laboratoire, à peu près 50% de mon temps, si ce n'est plus, à faire des demandes d'argent, avec évidemment beaucoup d'échecs et heureusement quelques succès. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup d'argent et beaucoup de courage, beaucoup de succès surtout. Merci beaucoup. Et nous allons aller, alors Maurice Mazière est toujours avec nous, on retourne du côté de la pile Zoé pour aller à la rencontre de Claire Giry, qui dirige le centre de Fontenay-aux-Roses et le centre des sciences du vivant. Bonjour Claire Giry. Bonjour. Alors, vous êtes directrice des sciences du vivant et du centre de Fontenay-aux-Roses. Nous sommes revenus, justement, avec vous, dans ce lieu mythique, historique, qui est la pile Zoé. Vous, ce lieu-là, vous le connaissiez avant ? Alors, je le connais depuis que je suis au CEA, mais c'est vrai que c'est vraiment un lieu mythique pour nous, un lieu d'histoire et un petit peu là où tout a commencé, y compris pour la biologie du CEA et pour les recherches en sciences du vivant. Alors, vous êtes biologiste et donc à la tête de ce centre, dites-nous très concrètement, vous gérez combien de personnes sur place ? Alors, sur place, on est 1500 personnes avec une grosse partie salariée du CEA, mais également des personnels du CNRS ou d'autres organismes de recherche, des universitaires et puis des entreprises extérieures qui viennent quotidiennement travailler sur le centre. Et alors, en arrivant là, quelles sont vos ambitions à vous ? Vers quel futur vous tournez ? Alors, on se tourne vers plus d'expertise, plus de visibilité, plus de partenariats sur tous les métiers qu'on développe, les travaux en radiobiologie. Dès le début, dès la connaissance de la radioactivité, on s'est préoccupé de savoir quel impact sur la santé cette radioactivité avait. Ça fait vraiment partie des missions clés du CEA et c'est ce qu'on appelle la radiobiologie qu'on développe sur Fontenay-aux-Roses. C'est un premier axe de recherche qu'on veut vraiment pratiquer aujourd'hui avec les approches les plus modernes, le travail sur les cellules souches et des travaux très pointus de biologie moléculaire et cellulaire. Et c'est aussi plutôt l'utilisation des rayonnements en tant que traceurs des radioéléments pour des thérapies innovantes, pour l'imagerie cellulaire, l'imagerie médicale, l'imagerie du cerveau, l'imagerie des maladies neurodégénératives. Donc on est aussi sur l'alliance entre la biologie et des technologies au service de la santé. Quelles sont vos envies de découverte peut-être quand on est à la tête, Claire Giry, de ce centre de Fontenay-aux-Roses, des sciences du vivant, de tout ce qui est ici en ébullition et en gestation? Alors en sciences de la vie et de la santé, on est vraiment sur un milieu de recherche très international et très ouvert. Ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir un lien très étroit avec des équipes cliniques. On a des travaux qui sont très prometteurs sur la thérapie génique de la maladie de Parkinson qu'on mène avec l'hôpital Henri Mondor de Créteil dans un partenariat très étroit. Et sur d'autres types de thérapies également. Et puis sur les aspects de radiobiologie, on voudrait pouvoir, en maniant des concepts à la fois fondamentaux et aussi assez appliqués, pouvoir répondre à des questions simples. Qu'est-ce qui fait qu'on peut déterminer si un cancer est radio-induit ou pas ? Comment on peut augmenter l'efficacité de certaines radiothérapies ? Puisque la connaissance fine de l'impact du rayonnement sur la santé, c'est aussi son utilisation en thérapie. Donc on a de grands défis à la fois fondamentaux et de santé à relever. Alors si les auditeurs de France Culture ont envie de venir voir la pile Zoé, comment est-ce qu'ils doivent procéder ? Alors la pile Zoé est ouverte chaque année pour les journées du patrimoine. Les visiteurs peuvent venir connaître ce site qui a vraiment, vraiment beaucoup de charme. Et puis on peut organiser des visites pour des groupes constitués sur demande en fait. Donc. Merci à vous Claire Giry. Je vous remercie. c'est la fin de cette balade au CEA au centre de Fontenay-aux-Roses, l'antre des sciences du vivant aujourd'hui. Merci à tous. Merci Maurice Mazière, Francis Netter, Pascal Griset, Odile Frossard, Sylvie Chevillard et Claire Giry. Je rappelle le titre du livre écrit par Pascal Griset et François Picard, L'atome et le vivant, paru aux éditions du Cherche Midi. Et puis je renvoie nos auditeurs aussi sur l'exposition Le CEA, 7 décennies au service de la recherche et de l'innovation. Une exposition qui se tient encore jusqu'au 1er novembre à la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris, porte de la Villette. Informations et liens à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis archives, et vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, ou mieux, la télécharger pendant un an, et puis nous suivre aussi sur Twitter, bien sûr. L'émission a été préparée avec Catherine Donnet, Anaï Morales pour les archives sonores de l'INA, et François Legrand du CEA. À la réalisation Alexandra Malka et à la technique François Rivalan. La semaine prochaine, place au deuxième grand portrait de la saison. Celui-ci sera consacré au physicien Goëri Delacote, expert en musée des sciences. Demain, autre rendez-vous de Culture Science à ne pas rater. À 14h, Michel Alberganti et Sciences Publiques. À 15h, aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Culture Musique de Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais tout de suite, les bonnes feuilles du jour, et nous, eh bien, on rentre à la maison de la radio.